je t'aime. Une amourette d'un jour, ce n'est pas l'amour. Une fille qui se maquille n'est plus une fille. Donc car pour moi, le vrai bonheur que veut mon cœur est bien plus fort et bien plus simple encore. Je te dis oui, je t'aime. Oh oh oh oui, je t'aime. Une fille douce et sage, pour moi, est l'image d'un bel amour véritable, d'une vie agréable. Aucun orage, pas un nuage, rien que la joie de vivre à deux, une vie d'amour pour te dire oui, je t'aime. Oh oh oh oui, je t'aime. Pas un nuage, rien que la joie de vivre à deux, une vie d'amour et te dire oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Cette fille que je vois là, j'en rêve chaque soir. Tu comprends bien que c'est toi, ma vie, mon espoir. Oui, car toi seul, aux heures noires, tu viens me voir. Tu me consoles et ma peine s'envole. Je te dis oui, je t'aime. Oh oh oh oui, je t'aime.